Les agences de presse, journaux, radios, télévisions et les pages d'internet de divers pays comme Russie, Syrie, Iran, Inde, Indonésie, Myanmar, Japon, Liban, Égypte, Algérie et Tchèque ont présenté du 4 au 6 Coran la communication du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée à propos de la nouvelle résolution de sanctions adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU sous prétexte de notre tir de fusée balistique pour le renforcement de nos armes nucléaires.